alan sisä, alan sisä. Syntyy pasve alan sisä. Tio. J'vais à la chicha pour les pleurettes. Si tu volais gros A, j'nous sais que j'ai pris Hazia dans la putette. J'nique tes mères à toute vitesse, ma tu as le syndrome de la tourette. J'suis le cauchemar des doigts à la tirette. J't'allume ta mère de la tourette. Si t'es un gros cul, t'as tout ce que j'aime. Si t'es un gros cul, t'as tout ce que j'aime. Tu ne baisses pas la première fois, moi je ne baisse pas la deuxième. Dans le sang humain, si j'dois noyer, mon une balle m'a coûte un mois noyé. 300 pas sur quête de Grenelle. Féfé, caché à Patrick Bruel. J'mande mon carré sombre. Je ne fais que de conflictuel. J'ai L.O.C.K. fait la loua. J'ai A.D.O. tout est noir. Tu manges la gamelle, je creuse des tunnels. Flow du cartel, Sinaloa. Génération assassin, idéal J. Mama Lova, j'fumais dans le cul. Uber s'en va, j'prends aux UV Supernova. J'm'en fous de tes si ma gré de quitte à marbre. J'fais des roues arrière dans le cul ta madre. On peut même pas dire que t'as mal joué, dire que t'as pas joué. Rafale dans les lombaires, porte à ma douée. Beaucoup nous ont lâchés, nombreux sont là. Rapide, très breu, sans son cela, sombre convoi. Paraît que tu es un méchant, ce que je conçois. 2h du mat sur le parking d'Auchan, faudrait qu'on se voit. Qu'on règle ça une fois pour toutes comme Joe Lopez. Ce négro m'a pris pour une pute, donc je le baise. Niquer de maman, c'est ma lutte, j'ai toutes les thèses. Mon plan, j'vais toutes les baiser, toutes les pêches. Trop près du mal, trop loin du hège. Vivement l'été pourvu qu'il neige.